Nous allons traiter maintenant le sujet « Suis-je le mieux placé pour savoir qui je suis ?» Ce sujet de réflexion se trouve à la croisée de trois types de problèmes. Alors d'abord, le problème de la connaissance de soi et d'une certaine façon de l'insuffisance de la conscience de soi pour se connaître. La connaissance de soi, c'est un problème assez classique de la philosophie, voire c'est un impératif divin. On se souvient de l'inscription Gnotis eaton, hein, connais-toi toi-même, qui était inscrite sur le frontispice du temple de Delphes. Et Socrate en avait fait un petit peu son mantra, hein. Pour Socrate, la pratique même de la philosophie devait nous permettre de parvenir à une connaissance de nous-mêmes. C'est ce que Platon avait exposé dans l'Alcibiade majeure. En fait, ce texte posait le problème de l'éducation, notamment l'éducation de celui qui prétend prendre part à la direction d'une cité. Et donc Alcibiade, ce disciple de Socrate, prétendait détenir un savoir supérieur aux autres qui l'autoriserait à les commander, mais Socrate lui répondait qu'avant de pouvoir connaître quoi que ce soit, il fallait d'abord se connaître soi-même, c'est-à-dire connaître en premier lieu son âme, afin de pouvoir prendre soin de soi, prendre soin de son âme, lui prodiguer les biens qui lui sont propres. Et donc ce que Socrate soulignait, c'est que cette connaissance de soi, pour lui cette connaissance de notre âme, elle n'avait rien d'évident et elle nécessitait que l'individu passe par autrui. Autrui conçu en quelque sorte comme un miroir, nous réfléchissant notre propre image. Voilà, ça c'est le premier problème qu'aborde ce sujet, celui de la connaissance de soi. Deuxième problème, un problème qui est plutôt d'épistémologie générale, qui est le problème de l'objectivité de la connaissance. On peut se poser la question de savoir quelle est la position privilégiée pour un chercheur en vue de connaître un certain objet de connaissance. Et quelle peut être la garantie de validité d'un discours sur un objet à connaître? Et donc, on trouve ici cette question de l'objectivité de la connaissance, c'est-à-dire le fait que le discours sur un certain objet, il doit être indépendant de celui qui le tient. C'est-à-dire que ce discours, il doit valoir non seulement pour telle personne, mais il doit valoir pour tout le monde, sinon c'est pas vraiment une connaissance, c'est simplement une opinion, un discours subjectif. Le discours subjectif, il implique une perspective qui va toujours être partielle, hein, on va voir qu'une partie de l'objet, mais aussi partiale, il va impliquer un jugement, une appréciation. Et donc l'objectivité, c'est quelque chose qui doit être construit, c'est-à-dire pour prendre distance vis-à-vis des points de vue subjectifs et atteindre voilà une connaissance qui serait acceptable par tous. Et on peut remarquer que la connaissance, c'est toujours un rapport d'un sujet à un objet, un rapport qui s'agit de construire pour échapper à la subjectivité. Or, ici, on a bien un problème, c'est qu'il y a une confusion, il y a une identité entre le sujet connaissance, c'est-à-dire la personne qui cherche à connaître quelque chose, et l'objet étudié. Puisque l'objet étudié, c'est moi-même. Voilà. Si je cherche à me connaître moi-même, je ne peux pas avoir cette distance. Comment instaurer ces dispositifs qui vont me permettre d'être objectif? Voilà. Donc, deuxième problème, le problème de l'objectivité de la connaissance. Troisième problème, qui est celui de l'identité personnelle. Hein, c'est la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'un être est ce qu'il est? Qu'est-ce qui fait que je suis ce que je suis, celui que je suis? Et qu'est-ce qui fait que je suis bien la même personne que j'ai été au cours de ma vie? Alors, ce problème de l'identité, pour Platon, hein, dans le Sophiste, il se posait dans le fait que l'être se conçoit toujours dans son rapport à l'autre. Hein, ça va être un enjeu du sujet, puisque suis-je le mieux placé, bah, placé par rapport à qui? Bah, par rapport à l'autre. Le sujet, ou l'être en général, il est toujours bah, le même que lui-même, voilà, il a une certaine définition. Et il n'est pas l'autre, il est différent de l'autre. Et ça signifie pour Platon que on saisit toujours un être dans sa différence avec ce qui n'est pas lui, avec les autres êtres. Et donc, pour définir quelque chose, on doit toujours la comparer, la mettre en relation avec d'autres choses. Donc pour me définir moi-même, je vais devoir me comparer avec d'autres personnes. Locke, dans l'essai sur l'entendement humain, posait également ce problème de l'identité. Il différenciait plusieurs principes d'identité. Il disait pour les choses inanimées, voilà, les pierres, les chaises, les tables, voilà, bah, le principe d'identité, c'est simplement le fait d'exister en un certain lieu et un certain temps donné. Voilà, cette table existe, elle est bien toujours la même, elle a bien la même matière. Bon, voilà, ça c'est son identité. Pour les êtres vivants, selon Locke, c'est la vie qui est le principe d'identité, c'est la même vie, la même existence que mène un être vivant qui fait que c'est bien le même. Mais il nous disait, bah, pour les êtres humains, le principe d'identité, c'est la conscience de soi. C'est ça qui fait qu'on est bien la même personne à travers le temps, c'est qu'on a la même expérience consciente. Ce qui fait de moi ce que je suis, ce sont les actes que je peux m'attribuer à moi-même, dont je me rappelle, auxquels j'ai accès, hein, accès intérieurement. Mais cependant, on se souvient que Leibniz avait critiqué cette approche, puisqu'elle conduisait Locke à dire que si une personne avait oublié un acte qu'elle avait commis, eh bien c'était comme si cet acte ne faisait pas partie d'elle, comme si c'était pas elle qui l'avait fait, et donc comme si on pouvait exclure ça de sa définition. Parce que, d'une certaine façon, je ne suis plus ce que j'ai oublié. Et donc ça posait tout un problème. Et là, on va retrouver cette question de savoir bah, qu'est-ce qui nous définit? Est-ce que c'est simplement ce dont moi j'ai conscience, ou est-ce qu'il faut que je tienne compte aussi de ce dont les autres ont conscience à propos de moi. Donc on va à partir de ça construire une introduction. Donc commençons l'introduction. La question posée porte sur la connaissance de soi. En première approche, il semble bien que chaque individu est en meilleure position que n'importe qui pour se connaître. Voilà, je suis mieux placé que n'importe qui d'autre pour me connaître moi-même. En effet, connaître quelqu'un, cela implique d'accéder aux caractéristiques qui définissent cette personne, qui font de cette personne ce qu'elle est. Alors ça va être, par exemple, ses souvenirs, ses goûts, ses désirs. Donc tout ceci, ce sont des états de conscience, ce sont des états psychiques qui ne sont directement accessibles qu'à la conscience de la personne elle-même. C'est-à-dire que ce sont des états qui sont vécus en première personne, de façon subjective. Autrui ne peut accéder à mon intériorité, à mes états de conscience, qu'à condition que je lui communique ce que je ressens et ce que je pense. Il ne peut pas lire dans mes pensées, la télépathie, jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. Donc on a accès à notre propre conscience, on a accès à nos états, qui d'une certaine façon nous définissent, et les autres n'y ont pas un accès direct, et en ce sens, je dispose bien de certaines informations, et donc d'une certaine connaissance de moi-même, qui échappera toujours aux autres, à moins que je ne leur communique. Ah, donc c'est un premier axe, on a quand même l'impression que oui, je suis mieux placé que les autres pour me connaître. Toutefois, ce privilège de la conscience, dans la perception des états internes, eh bien, en fait, ça peut constituer potentiellement un obstacle à une véritable connaissance de soi-même, c'est-à-dire une représentation exacte, objective de ce que l'on est. Alors, d'une part, eh bien, il y a une partie des actes et des états vécus par un individu qui échappent en fait à sa conscience. Même une partie de ses états internes qu'il ne perçoit pas. Il y a même une partie des actes qu'il commet, dont il ne se rend pas compte. Et puis, il y a aussi certains actes qu'il a pu vivre à un moment donné, qu'il a fini par oublier. Donc, il y a tout un problème d'une inconscience d'une partie de nos propres états. D'autre part, connaître un certain objet, quel qu'il soit, eh bien, ça implique toujours une prise de distance vis-à-vis de cet objet. Une distance qui est nécessaire à l'élaboration d'un jugement correct concernant cet objet. Or, cette distanciation est impossible lorsque le sujet et l'objet de la connaissance se confondent. En fait, cette place vis-à-vis de moi-même qui m'incombe, c'est le corps que je suis, hein, c'est bien la personne que je suis à laquelle je m'identifie. Donc là, ici, il y a bien une confusion entre le sujet connaissant est l'objet d'investigation. Et il apparaît alors très difficile de porter un jugement objectif sur soi-même, puisque je n'ai pas cette distance vis-à-vis de moi-même. En ce sens, un regard extérieur porté sur soi n'est-il pas nécessaire afin de corriger les erreurs de jugement que l'on peut porter sur soi-même? Autrui ne peut-il m'aider à me connaître moi-même? Donc on répondra à cette problématique en trois parties. S'il semble donc que j'ai un accès privilégié à ce qui fait de moi ce que je suis, eh bien la conscience que j'ai de moi-même n'est cependant pas une véritable connaissance. Et donc, le regard extérieur d'autrui apparaît indispensable pour corriger mon jugement et me faire parvenir à une véritable connaissance de moi-même.